Bonsoir, c'est les garçons bouchés. Et les médailles qui sont en général responsables de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Black sheep, un peu, je m'emmerde. Venez, venez, venez. Petit morceau pour ceux qui aiment les femmes, l'argent et le vin. Et comme par hasard, ceux-là n'ont jamais rien de tout ça. Ça s'appelle et. Yeah. sinon le clavier. On fait une petite berceuse pour ceux qui dorment pas encore. Si vous avancez. On va faire un petit morceau sur quelqu'un qu'il vaut mieux pas rencontrer à Paris le soir. La journée, il se fait engueuler par son chef de bureau. Le soir, il se fait taper par sa femme. Alors, comme c'est un grand vilain lâche, le soir, son sport préféré, c'est d'attraper les tout petits clous et de leur taper sur la tête. On l'appelle l'enragé. Yeah. changer un peu parce que ça rapporte plus, surtout à faire un slow. Mais pas n'importe quel slow, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en France, tous les mariages avaient lieu dans les boîtes de nuit ou dans les bals. Donc, à cause du slow, est responsable de toute cette vie de mariage, de patachons et d'autres choses qui transforment les gens en mollusques. Donc on a fait un morceau qui s'appelle « À cause du slow ». À Paris qui est un peu spécial, c'est le quartier où on habite et où on répète. C'est un quartier qui sent bon le vermicelle chinois et les pâtés impériaux, ça s'appelle Chinatown. Thank you. va faire une petite reprise du seul groupe Destroy qui existe en France avec nous. Enfin, il existait dans les années 50 et il s'appelait Les Compagnons de la Chanson. Yeah. disait pas grand chose. Les bouches qui n'aident ça me change. Alors, ce qui est grand fait, c'est un grand, c'est un grand. Ce qui est grand fait, c'est un grand, c'est un grand. La traite n'est pas de leur jeu. Quand tu vois sur moi, tu seras la rame des bagages. La bagarre et les ennuis. Chaque fois ta crête aussi. La bagarre et les ennuis. T'aurais pu être autre chose. Il suffisait pas grand chose. Et dès que pour ça tu l'oses. Alors, que le monde prend les faits. Serre les dents, serre les dents. Que le monde prend les faits. Serre les dents, serre les dents. Ceci, cela. Nous, on aime bien les gens qui ont un look et qui le vivent vraiment. On a remarqué qu'il y en a beaucoup qui avaient un look pendant un moment, mais pas très longtemps. Alors, un petit morceau pour ceux qui ont un look d'enfer et qui, dans 2 ans, retrouveront l'eau de tous les réacs pourris qui traînent autour d'eux en retrouvant la société qui leur donnait de l'argent. Got to go! choses en soi. Et tout ça, ça fait les garçons touchés. Le poisson, la viande de cheval, la viande de bœuf, même la cuisine végétarienne, on est arrivé à un seul constat, le seul intérêt de la vie, c'est de devenir anthropophage. J'ai une vie dans le pays, comment sont-ils sur le monde. que je monte à notre âge. Je remarque à la France tout que ça a du tort. Mais l'homme est ni mon corps, sont toujours un mon tort. Essaye pour vous le domaine du sexe. Après avoir tout essayé, hétérosexualité, homosexualité, zoophilie, mademoiselle, un peu de silence s'il vous plaît, merci. Nous avons essayé le summum, c'est-à-dire trouver le cadavre d'une jeune fille dans une salle de congélation. C'est le summum de l'orgasme froid, mais massif. Pourris, d'autres qui sont vraiment très très pourris, et on a fait un prix d'excellence, je crois, au régime le plus pourri du monde. Une chanson qui s'appelle Noir et Blanc, une chanson sur l'Afrique du Sud. Ma chambre, c'est le lait pour le café. chauffe, des mots chinois, la plus riche et plus rare. Ah, tu me le regardes, c'est plutôt de donner la carte. Quoi, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, dans la boule du soir, à moi risqué, pour en passer, la chambre qui c'est le lait dans le café. Pourtant, la boule si simple, des vrais chumeaux, la bouche si pure. Quoi, quand on regarde, à ce moment, je vais vous donner la carte. Et bon, bon, bon. Vous n'êtes pas bourreux, sauf vous n'avez pas les garçons bouchés. C'est quoi? Il manque de tendresse. Petit morceau sur une ville où la nuit il y a plus de gens en uniforme que de gens en civil. Cette ville, malheureusement, on y habite, ça s'appelle Paris-Paris. Tours, qui s'appelle, comme de bien entendu, Carnivore. Oh là là, la foule de la, tu te sens bien. Le fou de l'abattoir, de la journée. Vous pouvez des boucheries, vous pouvez des coquettes. Thank you. la guerre, la guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. La guerre, la guerre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre. Comme si c'était mon frère. Merci, au revoir.